Chapitre 20e. Claire et Marguerite, assises dans la chambre de bébé, leur séjour de prédilection, travaillaient près de la fenêtre. La pluie battait les carreaux, et les feuilles jaunies arrachées par un vent d'automne tourbillonnaient dans l'air et venaient ensuite s'abattre sur le quai désert. Tout avait un air de désolation suprême. Au bout d'une demi-heure de silence, Claire, inquiète, s'adressa à sa sœur, dont elle avait plusieurs fois examiné le visage à la dérobée. « Marguerite, lui dit-elle, parle-moi. Je ne puis supporter de te voir ainsi muette, les yeux fixes, les traits tirés. Tu me fais mal. J'aimerais mieux te voir pleurer. » La jeune fille leva les yeux. Un large cercle de bistre les entourait, mais ils étaient toujours beaux et purs. « Que veux-tu que je dise ? » répondit-elle. « Pense tout haut. Je ne sais pas ce que je pense. Ma tête est pleine d'idées confuses. Je vois des choses extraordinaires passer devant mes yeux, et je ne sais pas au juste ce qu'elles représentent. « As-tu dormi cette nuit ?»« Non, » répondit Marguerite, et baissant sa tête sur son ouvrage, elle reprit le mouvement machinal de l'aiguille. Claire retournait les yeux d'un air désespéré, et son regard rencontra un petit calendrier à feuilles mobiles suspendu au mur. La date se détachait en gros chiffres, 13 octobre. C'était le lendemain qu'on devait juger André. À mesure que ce jour se rapprochait, l'Anglois devenait plus sombre. La belle tranquillité de Marguerite s'était peu à peu ébranlée, puis écroulée, et depuis 8 jours elle vivait dans des larmes continuelles. La séparation avait agi sur son âme d'une façon cruelle. Si elle avait pu voir André, lui parler, le consoler, s'assurer qu'il était toujours courageux et maître de lui-même, elle eût mieux porté l'écrasant fardeau de ses anxiétés. Mais ne plus le voir, ne rien savoir, c'était trop pénible. La dernière visite de l'Anglois, son ami remontait à une quinzaine. Depuis lors, que s'était-il passé ? Le malheureux jeune homme, dans la solitude, n'avait-il pas vu flotter devant lui les plus hideuses visions ? Marguerite se représentait en frissonnant toutes les images qui la hantaient pendant son sommeil troublé. Malgré la douce influence de la famille, elle se demandait avec angoisse si André pouvait être assez malheureux pour voir les mêmes horreurs, lorsque personne ne venait l'apaiser et le distraire. « J'irai demain, n'est-ce pas ? » dit-elle à sa sœur qui regardait tristement par la fenêtre. Claire se retourna brusquement. Jamais l'idée ne lui était venue de soumettre sa sœur à cette terrible épreuve. « Mais non, ma chérie, cela ne se peut pas. Pourquoi ? Les dames y vont. Les autres femmes, oui, évidemment. Pourquoi pas moi ? Mais ma mignonne, cela ne se peut pas. C'est contraire aux convenances. » Marguerite déposa son ouvrage et éleva un peu la voix. « Tout est contraire aux convenances, dit-elle. Il est contraire aux convenances de vouloir épouser un homme dont l'état civil n'est pas régulier. » Contraire aussi aux convenances d'aller voir son fiancé dans la prison. Qu'importe alors que ce soit encore contraire aux convenances d'être en face de lui quand on le jugera, pour que ses yeux rencontrent les miens et il lise la confiance à défaut d'espoir. Claire resta muette, elle n'était pas capable de rétorquer ses arguments. « Ma chérie, dit-elle, il me semble que ce n'est pas ta place. Tu éprouveras des émotions terribles, cela peut te faire mal. »« Eh, qu'importe, s'écria Marguerite avec colère. Si cela me fait mal, tant pis, pourvu que ça lui fasse du bien à lui, et si on le condamne. S'il s'en va quelque part, je ne sais dans quel lieu horrible, et que je ne puisse plus le revoir, n'est-ce pas juste au moins que pendant qu'il est encore ici, je le vois pour la dernière fois, aussi longtemps qu'on ne peut pas l'empêcher ? Claire restait interdite. Toute sa pruderie légitime de femme bien élevée se révoltait contre cette proposition, et cependant elle ne trouvait rien à dire. « Elle a raison, fit la voix de l'Anglois. Qui était entré sans bruit. « N'est-ce pas ?» fit vivement Marguerite en se retournant. « Elle a raison, » répéta l'Anglois. « Évidemment, c'est contraire aux habitudes reçues, mais du moment où Marguerite a accepté la situation avec tous ses embarras et ses dangers, elle sort de la règle commune. Je l'emmènerai demain. Toi aussi, Claire, tu viendras. Je suis cité comme témoin. Je serai forcé de la quitter et il ne faut pas qu'elle reste seule. » Au fond, Madame l'Anglois fut très contente de cette décision, qui lui permettait de cesser avec sa sœur une lutte pénible et inutile. Le dîner fut silencieux, on coucha bébé de bonne heure, et les trois amis d'André attendirent avec une angoisse indescriptible le soleil du lendemain.